message de Rodrick. Oui. Bonjour Philippe. Oui, je mettais mon micro en marche. J'ai entrevu un message à travers lequel Rodrick nous disait qu'il avait une bronchite, mais j'ai vu qu'il s'inquiétait de savoir pourquoi tu faisais des appels de fond sur Européen. Voilà, bon, alors, je l'ai pas... Comme je fais plein de choses en même temps en ce moment, c'est un peu compliqué. Bon, oui. As-tu lu le message de Philippe qu'on... De Rodrick ? Oui, de Rodrick. Je l'ai lu. Ouais, qu'est-ce qu'il raconte ? En fait, il se pose la question en fait de la... comment dire ça ? La pertinence. Alors, il y a la question de la collecte de fonds. Et en fait, il se place vraiment dans une optique spirituelle. Lui, il est vraiment dedans. Oui. Et du coup, il se demande pourquoi on ne cite pas Dieu, pourquoi on va chercher des fonds alors que finalement c'est un projet qui n'en nécessite pas. Voilà, je crois qu'il est vraiment dans le social, voilà. Je dirais. Alors, ça mérite qu'on le recadre, hein, gentiment. Oui, tout à fait. Et je pense que en quelques phrases, tu peux le remettre d'aplomb. Hein, qu'est-ce que tu en penses ? Tout à fait. Bon. Je vais prendre le temps de lui répondre parce qu'en fait, il y a pas mal de questions. Oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses et donc, comme je ne l'ai pas lu, bon, je dirai ça après, mais je pense que dans l'ensemble, le mieux, c'est que tu lui fasses part de. Et d'ailleurs, on va lui envoyer tout ce qu'on est en train de se dire là maintenant, hein, de façon à bien matérialiser un petit peu. Tout ce qui se passe autour, je dis matérialisé, mais la matière est bien là, quoi, parce que aujourd'hui, t'en sais quelque chose, hein, t'es les doigts et les mains et les pieds dans le minéral, dans le végétal, et bon, là, on est bien dans le concret, quoi, c'est bien. Oui, là, je suis rentré un peu plus tôt pour me toucher, parce que j'avais reçu plein de terre sur la tête. Ah oui, en grimpant ton échelle, là, ça s'est bien passé. T'as réussi à enlever le végétal sur la paroi. Oui, enfin, on a commencé à enlever de la terre, parce qu'en fait, c'est la terre qui vient du haut, on va la remonter là-haut, c'est tout. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'est... Stéphane en avait plein les bras, et puis moi, j'en avais aussi plein les jambes. Oui, mais j'ai vu que Stéphane, il voulait pas s'arrêter, si tu veux. Ouais, il trouvait toujours qu'un truc à faire. Bon, moi je l'ai trouvé courageux, j'ai fait une interview, tu l'écouteras, tu verras, c'est assez sympa. Ça part un peu en quenouille vers la fin, quand on a abordé le Covid, mais l'un dans l'autre, non, c'est bien. Bon garçon, bon gars qui met du cœur à l'ouvrage, et puis qui vient là, pour la spiritualité peut-être pas, mais en tout cas pour se vider la tête. Oui, c'est ça, mais moi, ça ne m'empêche pas de partager avec lui, justement, de faire des touches spirituelles, de temps en temps, ou des touches symboliques, déjà, et puis des touches spirituelles. Parce que, en fait, je pense que c'est ce qui lui manque, là-dedans, et c'est ce qui fait qu'il se bat sur des choses qui sont extrêmement terre-à-terre et il est très réactionnaire, en fait. Oui, il est très réactionnaire. Et tu verras dans le podcast, il le démontre bien. Mais ça fait un moment que je le fréquente et Sylvie aussi l'a entendu. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, il chauffe. Ouais, au bout d'un moment, il chauffe. Ouais, alors que c'est un garçon qui a de bonnes idées, qui dans sa façon de penser, tiens bien la route. Alors attends, parce que Michael arrive. Est-ce qu'il est encore là, Philippe, le week-end prochain ? Je suis là, je repars lundi en fait, le lundi dans 8 jours. Vous entendez ? Oui, je t'entends et je te vois. T'es là samedi ? Samedi, je suis là, oui. Oui, il est là samedi. Eh bien, on peut dire samedi, parce que là, moi, je n'ai pas de rendez-vous samedi. Et autrement, on pourrait mettre... oui, ça peut être un... Effectivement, ça peut être un rendez-vous de samedi. Et vers quelle heure? Vers 11h, oui. D'accord. Moi, de toute façon, de 9h à 18h, je suis sur place, donc ce n'est pas un problème. D'accord. On va vous donner le numéro de Philippe Westphal et l'adresse. Attends, chérie, oui. On était bien avec le télégramme. Oui. Bon, c'est super. Bon. Donc, samedi, 11h. Je vous envoie un petit mail avec son nom, son adresse et son téléphone. Bon, on va y arriver. Eh bien, c'est bien. Tu as vu, elle est réactive, hein, la Michaela. C'est bien, c'est bien. Bon. C'est bien, ça avance. Ben oui, ça avance. Ah, oui. Mais chacun, en fait, chacun fait une part selon ses possibilités, et puis voilà, c'est super. Ses possibilités, ses envies. Ouais, ouais, ben, tout le monde met la main à la pâte. C'est ouais. Ça le côté merveilleux. Façon. Chacun c'est, a sa c'est façon. Ça, le côté merveilleux, c'est que chacun peut prendre, et puis surtout, on n'a pas de. Il n'y a pas de jugement à se porter sur la quantité que l'on peut donner ou que... Oui, non, mais chacun voit... On fait selon le plaisir, quoi. Voilà, on reste vers le merveilleux. C'est ça. Et pour que le merveilleux soit plaisir, eh bien, faut que chacun mette la main à la pâte dans ce qu'il sait faire et surtout dans ce qu'il aime faire. Voilà. C'est exactement ça. Bon, donc, oui, ben, on parlait de Stéphane, tout, ouais, bon gars, et je pense qu'il faut le cultiver, et puis effectivement, l'amener à passer du terre à terre, et à commencer à décoller un petit peu vers un univers plus apaisant pour lui, parce que... Oui, c'est ça, plus apaisant, plus apaisé, oui. Oui, il est très torturé. Très torturé, ce garçon. Je n'avais pas vu ça comme ça. Bon, il y a Michaela qui revient. Ouais, bon, elle met le rendez-vous à samedi. Je vais lui envoyer les coordonnées de Philippe et la rue Neuve. C'est combien, rue Neuve, Philippe? Rue Neuve, c'est le 13. 13, rue Neuve. Ah, ça porte bonheur. Ah oui, il voilà. y a plein de choses qui sont bien sur ce terrain, tu sais. Ouais. Voilà, d'accord. Donc on fait comme ça et tu lui donnes son numéro de portable, ouais. Parce que ouais. Si Philippe est en bas et qu'il arrive en haut, ouais. Voilà. Hein ouais. À 11h, ok, bon. Ça roule. 11h samedi, d'accord. Donc j'ai la municipalité... Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Gwenaël. Non, pas tout à fait, c'est pas... Je lui envoie un texto. Voilà, d'accord. Oui, à la rigueur, tu me mets en copie, comme ça je saurai comment elle s'appelle. Non, mais c'est à toi qu'elle envoie le texto aussi. Ah, d'accord, ok. Bon, bien, alors, ce que je te propose là, pour notre entretien d'aujourd'hui, j'ai prévu jusqu'à 19h30, dernier délai, hein, ça te va? Oui, c'est ça. Hein, on n'a pas, en fait, tu es passé en fait pratiquement oui. Tous les jours, oui. on a pu échanger. Tout à fait. C'est bien. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est de prendre un peu de recul par rapport à ça, si tu veux. Mm. Et pour ma part, je me disais que comme tu viens de l'évoquer, chacun apporte sa pierre à sa façon, à construire cet édifice merveilleux. Mais je me disais qu'on avait un déficit de communication vers l'extérieur. Et que, pour cette fois-ci, ça va être difficile de raccrocher les wagons, mais que pour une prochaine fois, on ait un tir spirituel qui permette de solliciter toutes les parties en présence de façon à les ramener dans un minimum de temps. Une semaine, c'est long, ça dilue, etc. Les gens te disent je reviens pas, etc. Alors que si on fait ça sur un week-end, par exemple, eh bien, on pourrait... si chacun s'y met, si tu veux, dans son domaine, eh bien, on pourrait accrocher un peu plus de monde. Et avoir une petite structure d'accueil avec une bouteille de cidre au frais ou un truc, tu vois, un peu sympa. Quoi qu'en temps de Covid, ça peut les effrayer, mais voilà. On a toujours ça. En fait, c'est vrai que là, hier, en fait, j'ai discuté pendant une demi-heure avec une dame qui, normalement, doit revenir avec des graines. Et en plus, elle me cède un bouquin sur les plantations closes. Bon, parce qu'elle n'a pas... C'est quoi les plantations closes? Bah, c'est du close, c'est une marque un peu comme Truffaut. Oui. D'accord, ok. Ouais, tout à fait. Donc, elle n'a plus de jardin, donc en fait, elle va me donner son encyclopédie. Son catalogue, ouais. Son catalogue. De graines, d'accord, ok. Et, bon. Et justement, elle disait qu'elle était arrivée il y a un an, et elle était tombée en plein dans le Covid, et du coup, pour rencontrer des gens, c'était la croix et la bannière. Qu'est-ce qu'elle fait pour rencontrer des gens? Elle a pris contact avec la municipalité, c'était un peu compliqué, puisque ça venait juste de changer. Et puis, au niveau voisinage, elle ne savait pas comment s'adresser, parce que, en fait, il fallait garder des distances. Oui, mais c'est compliqué. Les rapports à l'autre sont extrêmement compliqués. Et puis, Et puis les gens ne sont pas très pratiques dans leur tête non plus. Ouais, d'accord. Tu as noté son nom à cette dame? Oui, elle a tout laissé et puis elle va repasser. Aujourd'hui, j'en ai vu trois autres donc, qui vont repasser. Parce que justement, comme j'étais en bas dans la carrière, y a beaucoup plus de gens qui passent en bas qu'en haut. Ah, d'accord. La conversation est beaucoup plus facile de ce côté-là. Ah, Attends, c'est très intéressant ce que tu dis. Oui. Toi, tu penses qu'on a une meilleure communication dans le cirque, hein? Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, le cirque, tous en fait, me disent que c'est un endroit qui impressionne énormément et qui est très... Alors, il y a tous les termes qui est... magnifique, pittoresque, enfin bref. Oui, c'est remarquable, c'est un point remarquable. C'est un point remarquable. Et ça, c'est quelque chose à faire ressortir à la mairie jeudi. Mmh. La mairie a besoin de points remarquables, si tu veux. Elle a besoin de mettre en œuvre son territoire, quoi, de valoriser son territoire. Et je pense que si tu insistes un petit peu, que tu les amènes là-bas en bas, eh bien tu pourrais peut-être, c'est un début d'ouverture vers la porte qui sera un peu plus loin, quoi. Tu vois ce que je veux dire, en faire un lien Ah oui, tout à fait, mais hein? ça c'est, je dirais, moi je vois les choses se passant tout à fait sereinement. Parce que je sentais qu'il fallait que je reste longtemps là, parce que, en fait, le calicot, même s'il interpelle, on se pose des questions, mais on vient déjà en premier lieu, la plupart, en fait, viennent un peu en touriste, tombent dessus par hasard. Tout à fait. Posent des questions, et donc c'est là qu'ils peuvent se dire « je reviens ou je reviens pas ». Et si tu n'as pas le temps de faire ça... Tu vois, par exemple, toi, tu parlais d'un week-end, tu ne les revois pas, les gars. Donc là, ce sont des gens qui vont revenir, mais parce que, justement, il y a 8 jours derrière qui leur permet de choisir le moment où ils vont venir, d'aller chercher des graines on peut en trouver, de choisir. C'est tranquille, quoi. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Une plage de 8 jours peut effectivement permettre... aux gens de revenir, quoi, hein. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le calicot, il est là, mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que, moi, ce qui me paraîtrait plus interpellant, c'est le fait d'aller chercher des gens, presque chez eux, et puis de leur dire, venez voir. Venez voir. Tu vois ce que tu... Alors que toi, tu pars du principe que les gens passent devant le calicot et vont s'arrêter. Bon, alors, on a vu que certains s'arrêtaient, d'autres pas, etc., peu importe. Mais le calicot, c'est trop tard pour moi. Il faut qu'en amont, il y ait toute une petite communication qui soit orchestrée dans la presse, auprès de la mairie, sur Facebook, sur les différentes pages du 56, des gens de proximité, et les faire venir là, pour qu'ils touchent le jardin. Oui, mais ça vient, c'est en train de venir. Toi, moi, j'ai l'impression que tu veux aller... Il y a un moment, tu m'accusais d'aller trop vite, et moi, j'ai l'impression que tu veux aller trop vite. Attends. Je t'accusais d'aller trop vite dans les idées, dans la spiritualité, dans trouver les bons mots, le bon juste pour communiquer. Mais maintenant, dans la communication, eh ben, il faut accrocher, hein. Oui, mais c'est en train d'accrocher, puisque en fait, au départ, le rendez-vous avec la mairie, le magazine de la mairie n'était pas prévu pour faire ça. Et le fait d'avoir pris un rendez-vous avec d'ailleurs Stéphane a fait que la mairie a changé d'avis et maintenant va ouvrir son magazine aux associations. Donc ça, c'est bien. Mieux. Ça, c'est très bien. Là, on a créé une ouverture. Là. L'ouverture vers le Telegram, ben, c'est Michaela qui est en train de la faire. C'est très bien. J'avais une ouverture sur Ouest France. L'article est paru, mais... Et d'ailleurs, il y en a qui m'en ont parlé. À quelle date il est paru, cet article? Parce que je le recherchais, là, justement. Oui. Je vais lui demander, parce que c'est vrai que... Parce que moi, je le recherchais, je ne l'ai pas vu sur Internet. Hein. Bon, alors, ça ne veut pas dire que... Voilà. Bon, mais ça, c'est important. Toute cette communication-là, si tu veux, bien, ça vient amplifier le message. C'est ça. Et donc, tu penses que je veux aller vite? Non, je ne veux pas aller vite, je veux aller bien. Et juste, viser juste, de façon à ramener des gens sur le jardin et leur montrer ce que tu fais. Parce que c'est très intéressant ce que tu fais. Et je pense qu'à chaque fois que tu viens, eh bien, tu amplifies le jardin. Tu le rends plus compréhensible, plus accessible. Toute cette partie suspendue, c'est super, ça, c'est super. Et il va falloir la faire vivre, cette partie suspendue. Pour la faire vivre, tu vas mettre d'autres palettes en haut, là, sur le câble. Pour l'instant, je les ai enlevées parce qu'on va mettre les câbles à leur position définitive. Là, ce n'était pas une position définitive. D'accord. Et c'est ce que je vais faire dans les prochains jours, et sans doute demain, si je ne suis pas trop dérangé. Alors, demain et mercredi, Stéphane ne vient pas, mais on a vu ensemble que, comment il fallait faire. Donc, maintenant, ça peut se faire. Donc, pour l'instant, j'ai enlevé les deux palettes qui y étaient, mais j'ai préparé les cinq qui doivent prendre la suite. D'accord. Il y a juste le câble à déplacer. C'est tout. D'accord. Bon, ben ça, c'est bien. Parce que ça, si cette passerelle-là est faite, là, tu peux expliquer, parce que là, tu es dans le concret. Là, tu peux... ton jardin suspendu, si tu veux, il arrive à temps pour expliquer. C'est un bon exemple pour crédibiliser toute la démarche vers le merveilleux. Ben, le jardin suspendu, normalement, c'était une journée unique, jeudi prochain. Non. Moi, je l'ai étalé sur la semaine, parce que en période de Covid... quand on fait tout concentré comme ça, ça peut poser problème. Donc, oui, non, mais même si tu veux, comment ça s'appelle grande lessive ou pas grande lessive, tu t'appuies là-dessus, c'est un appui. Bon, oui. C'est un outil. Voilà, la grande lessive est un outil, mais le plus bel outil, c'est l'exemple que tu peux donner. En faisant ta passerelle et en montrant aux gens que bah, la nature va reprendre le dessus sur cette passerelle. Ça, c'est un bel outil. Et là, tu commences à rentrer dans le merveilleux, parce que, je dirais, il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où ce genre de choses existent, si tu veux. Oui. Bon. Donc là, tu as une super idée. Et cette super idée, ça doit être un outil de communication. C'est ça, ça interpelle. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui, en passant rue Neuve, sont interpellés par le paysage, en passant en dessous, sont interpellés par en fait, la beauté des parois qu'on continue de travailler. Et en plus, ils sont interpellés par, justement, ils étaient interpellés par ces palettes qui étaient tout en haut, qui étaient suspendues. Voilà. Donc, en fait, il y a plein d'appels. Et plus on avance, plus on aura, en fait. Tout à fait. Là, on a commencé à... Pour terminer la journée avec Stéphane, on a planté... Il avait apporté des graines, on est allé les planter. Ah, d'accord. Et donc, on a planté des butternuts en haut des falaises. D'accord. Pour que en fait, on puisse voir descendre le long des falaises ces butternuts et reposant sur différents reliefs de la paroi. D'accord. Donc, c'est déjà... Alors, tout ça, c'est du pari. C'est le merveilleux qui va se manifester là. On va voir. C'est à venir encore. C'est-à-dire faire la com... tant que le jardin ressemble à une jungle, c'est très difficile. Alors que là, il est en train de virer. Il y a quand même beaucoup de neufs qui commencent à... Moi, je pense que tu peux capitaliser sur les palettes. C'est un très bel outil de communication. C'est tout à fait novateur. Et ça va interpeller. Et moi, bon, je te donne les choses comme je les sens. Hein. C'est oui. Purement intuitif. Mais moi, je pense que ton merveilleux, dans le discours de communication que tu peux avoir vers l'autre pour l'interpeller et bien lui faire comprendre la démarche, les palettes, c'est le bon outil, quoi. Oui, c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est... Il y a des moments où, en fait, quand je travaillais sur les palettes, je me dis je travaille pas sur les cendres de la précédente civilisation, mais sur les déchets, sur la conso que de notre civilisation pour en faire autre chose, c'est-à-dire qu'on récupère pour faire quelque chose de différent. Alors c'est vrai que il y a déjà l'idée des palettes, de la récupération des palettes a fait son chemin. Je sais que moi j'ai commencé à travailler dessus il y a une quinzaine d'années, c'était encore assez novateur, mais maintenant il y a pas mal de gens qui font des bancs et des choses avec en récupérant ces palettes. C'est plus nouveau, quoi. Des Par bancs, contre, je m'excuse, je te coupe. Ce qui serait bien, c'est que tu mettes en valeur les appuis des bancs en fonte, là. Oui, tout à fait. Mais tu les mets, tu sais, sur la partie plane, ensoleillée, et que ça se voit, quoi. Mmh. Hein? Un peu comme deux cygnes qui causent ensemble, ou des oies, ou je sais pas. Mais c'est ça. Il y a un truc super à faire. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est ça. Je suis d'accord. Et en plus de ça, j'ai fait la photo de ce truc-là et Sylvie m'a dit « Ah, ça m'intéresse, j'ai envie de faire quelque chose avec. » Oh, donc, bon, petit à petit, en fait, elle dérive vers l'ouest. Oui, non, mais c'est bien. Ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est important que Sylvie, eh bien, vienne et commence à profiter de... commence à profiter du terrain, et non plus pour le nettoyer et brasser des feuilles et des branches, etc., comme elle a fait l'autre fois, mais voilà, elle s'assoit là, elle est chez elle, et elle va faire grandir le terrain sur place. En fait, le projet, là, on a eu une année, bon, c'est ce que... Stéphane, en fait, m'a ramené chez moi, là, et on a pu discuter un peu dans la voiture, en la matière, et on était en train de se demander, mais ça fait combien de temps qu'on travaille déjà dessus? Et 2021, en fait, c'est le champ de la terre, donc je me tourne vers la terre. 2020, c'était l'acquisition, enfin, c'est pas l'acquisition, c'était l'année de préparation, avec... le démarrage et tout ça. Depuis, il y a quand même beaucoup, il y a du chemin qui a été fait. Et surtout, petit à petit, c'est un jardin qui interpelle. Il interpelle de plus en plus. Je ne veux pas aller trop vite là-dedans parce que je marche au sensitif, hein, c'est-à-dire je le sens d'abord, je le médite et ça prend du temps. Et d'ailleurs, il le voit bien, Stéphane, parce que quand je lui demande son avis, j'ai très, très vite les arguments, puisque j'y ai passé déjà pas mal de jours sur la passerelle, sur un balcon, sur des choses comme ça. Alors, je le laisse quand même travailler en la matière, et très vite, en fait, il arrive aux mêmes conclusions que moi, quoi. Donc, moi, je crois que le jardin est en train de prendre son essor en ce moment, et il va interpeller de plus en plus. Et je pense que la question de la communication, elle se met en place en même temps, puisque déjà le télégramme, c'est samedi. Je pense que Catherine va venir aussi pour Ouest France. Je vais la resolliciter pour qu'elle vienne pour voir un peu comment ça se passe et prendre des photos. Et puis, il y a la mairie qui s'y met aussi. Donc, ça va se savoir, tout ça. Je ne veux pas être dépassé par, la folie médiatique non plus. C'est pour ça que... on en est loin, là. Avant que tu sois dépassé... Avant que tu sois dépassé, crois-moi bien qu'il y a de l'eau recoulée sous les ponts. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais... Mais la communication, si tu veux, Philippe, je te parle par expérience, parce que ça a été quand même une partie de mon métier, c'est énormément d'implications au démarrage, à brasser de l'air, parce que tu n'as pas l'impression d'avancer, et puis petit à petit, tu marques des points, si tu veux. Mais avant d'être dépassé, là, il va y avoir de l'eau qui coule sous les ponts. Et d'autre part, moi, je pense que cette construction que tu es en train de faire, que vous êtes en train, Stéphane et toi, de faire, eh bien, c'est pérenne. Ça va dans le sens de la nature. Ça va dans quelque chose qui ne peut s'inscrire que de façon pérenne. Non, c'est bon, quoi. Vous ne faites pas fausse route, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui. Moi, quand je parle d'être dépassé au niveau média, c'est de commencer à voir des articles qui ne correspondent pas à ce que j'ai dit ou à ce qu'on fait. Et il y a des journalistes qui sont très forts là-dessus, qui sont très forts pour détourner un peu les affaires. Ce qui fait que tout d'un coup, ça prend une tournure qu'il faut rattraper. Ça t'échappe. C'est pour ça que la communication, il faut bien la maîtriser. Et pour bien la maîtriser, il faut être avec des gens qui ont le pouvoir d'aller dans le sens que tu évoques, si tu veux. La communication, c'est les bonnes personnes. Bon. Alors, est-ce que Catherine, est-ce que la fille du Télégramme, c'est les bonnes personnes? Est-ce que tel site, c'est le bon site? Je crois qu'il faut être extrêmement vigilant, mais il faut se lancer. Et crois-moi bien, quand ça tombe, ça tombe. Je te parle souvent de ma dernière expérience avec Slow Food, où on a ramé au départ, hein, mais on a vraiment ramé. Et puis petit à petit, on a appris. Et on a appris de nos erreurs, si tu veux. Et à partir de là, eh bien, on a construit quelque chose qui a bien fonctionné, quoi, même très très bien fonctionné, et qu'on a toujours maîtrisé. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a pensé de notre petite interview, Stéphane? Ah, il m'a rien dit là-dessus. Il n'a rien dit. Ok. Il m'a absolument rien communiqué de ce que vous aviez échangé. Moi, j'entendais des bribes là-haut, ouais. C'est sûr. J'ai entendu le moment où il commençait à s'échauffer. Oui, voilà. Il n'a rien dit, donc ça va, quoi. Il n'a pas été... Oui, je lui ai demandé aussi par rapport à... Et à un moment, en fait, il était contre les photos. Ouais. Et puis petit à petit, en fait, parce qu'en fait, il avait été je dirais, interpellé par la police à un moment pour gilet jaune. Tu vois. Bon. Ah oui, mais il l'a ressorti, ça, ces gilets jaunes, tout à l'heure. Il n'a pas employé le mot, mais bon, on s'y croyait. Ouais. Et alors, il avait peur. Voilà, donc, je pense qu'il a eu une petite crainte de ce côté-là. Et donc, il fait gaffe, quoi. Parce que ça, il me dit, je ne sais pas si ça va te servir que je sois là, parce que justement, j'ai été connu sur un autre domaine. Voilà. Et puis maintenant, ça s'est un peu tassé. Donc, il accepte les photos et puis voilà, ça va. D'accord. Bon, non, mais ça va. Alors, j'ai fait une vidéo ah, oui. de lui remontant les sauts et allant mettre les cailloux un peu plus loin. Voilà. Bon, mais je te donnerai. Donne-moi ta clé, prépare ta clé, je viendrai la chercher demain. D'accord, je la mets. Et je te mettrai cette vidéo, des photos. C'est un peu en vrac, hein, parce que pour l'instant, je n'ai pas eu trop le temps de faire le tri. Voilà, j'essaye d'aligner les podcasts. Voilà. Ah, la clé est là. La clé est là, j'en ai M2. Bon, mais c'est bien. bon, qu'est-ce que... Donc, bon, le programme des rendez-vous, ça c'est clair. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est que... Tu travailles, tu continues à bien appréhender ton jardin, quoi. Et surtout, à le rendre explicite aux autres. Si tu veux, tu as, mais c'est ta façon d'être et ta façon de te communiquer, tu es parfois un petit peu difficile à comprendre, difficile à te comprendre. Moi, je sais que j'ai un petit peu de difficulté à ça, voilà. Et donc, si moi j'ai des difficultés, ce qu'il faut, c'est voir surtout les autres n'aient pas ces difficultés-là, et de travailler pour faire grandir ce jardin au fur et à mesure que tu es dessus, quoi. C'est ça qui est bien. Ce qui est important aussi, c'est que tu arrêtes des dates pour savoir quand tu vas revenir. Oui. Hein? Parce que ça aussi, le jardin, il grandit avec toi, quoi. Il ne faut pas qu'il grandisse sans toi. C'est ça. Bon, il va grandir sans moi, parce que c'est vrai qu'au printemps, ça pousse. Hein. Ouais. Oui, c'est pour ça que c'est bien. Tout ce que vous faites en ce moment, c'est bien, parce que c'est la bonne période. Mais quand est-ce que tu penses revenir? Tu as une idée? Tu as réfléchi? Avril, ça va être dur. Je ne sais pas. Il y a des vacances en mai de Sylvie? Elle a des vacances? Alors, Sylvie avait des vacances, mais on a prévu d'aller ailleurs. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Alors on doit aller, normalement, c'était un séjour de préparation. C'était le champ de la terre, c'était aller sur les terrains volcaniques des Canaries. Ouais. Voilà, c'était ça. Maintenant, est-ce que on va réussir à sortir et est-ce qu'on va prendre le risque de ne pas pouvoir rentrer? Enfin, on ne sait pas trop comment ça va se goupiller, la chose. Et on a un autre programme, enfin, Sylvie a arrêté un autre programme pour le cas où ça ne marcherait pas. Donc, c'est pas prévu au Ray. Ceci étant, je ne présume de rien en la matière, parce que il y a des choses merveilleuses qui se passent, justement, des ouvertures qui sont inhabituelles. Donc, je m'inquiète pas trop là-dessus. Initialement, j'avais prévu de revenir une semaine par mois. Un peu difficile en ce moment, parce que avec le Covid, en fait, je suis assez sollicité pour aller garder mes petits-enfants. Alors, c'est... L'un n'empêche pas l'autre. Oui, bien sûr. Sauf que c'est pas au même endroit. Oui, non, mais Clisson, ils sont à Clisson, tes petits-enfants. Oui, oui. Clisson, Auray, c'est quoi? En voiture, c'est 2 heures, 3 heures, c'est combien? Oui, c'est 2 heures. C'est 2 heures? Bon. Ça, c'est, tu le dis, mais tout ça, c'est sans Sylvie. On ne s'est pas marié pour rien. Mais, non, non, mais c'est pour ça que je te parlais des vacances. Oui. Bah, si vous avez prévu de faire autre chose avec Sylvie, bon, ben bah, voilà. Mais si vous ne pouvez pas mener à bien vos projets, c'était à Tenerife que tu voulais aller là-bas, hein, c'est ça? Non, non, c'est Lanzarote. Tenerife, on y est déjà allé. Lanzarote, c'est la Sardaigne, oui. Ça, non? Lanzarote, non, c'est une des Canaries, une des sept Canaries. Ah oui, voilà, oui, d'accord, ok, c'est pas ça, non, non, c'est le même coin, ça, d'accord. Oui, c'est les sept îles. Ouais, d'accord, et là, vous avez vraiment accroché, là-bas. Oui, on a bien accroché. Bon, c'est surtout que c'est le côté, un peu le côté exotique, et à mon avis, c'est une des dernières choses, une dernière sortie internationale que l'on fait pour gagner de l'exotisme, si on peut dire. Parce qu'elle travaille encore. Donc, en fait, elle a envie d'aller voir ailleurs. Mais bientôt, comme elle va s'arrêter, on va raisonner autrement. Je pense qu'on va raisonner autrement. Il y a une chose qui handicape Auray, c'est l'accueil. C'est-à-dire, on n'a pas de maison, on n'a rien ici. Si Christiane m'accueille, Sylvie, elle n'est pas encore très en phase pour se faire accueillir par Christiane. Ah bon ? Donc, il faut que ça vienne. Voilà. Mais Christiane, elle n'a pas accroché avec Christiane ? Je sais pas, mais tu sais, c'est des questions de... Est-ce qu'il y a de la jalousie ? Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire, il y a peut-être... Il faut que jalousie se passe. Ouais. Mais avec Michaela, on a commencé à regarder pour vous. Hein. Ah oui. Ben oui, sur place, on peut... Et puis, il y a aussi un truc qui serait vachement bien. On l'a envoyé, hein. Je lui ai envoyé une copie à Philippe et à toi. D'accord, bon, et ça va. Et sur un autre mail, les coordonnées de la journaliste. Voilà. C'est Véronique, parce que l'autre est en vacances. Bon, c'est Véronique et l'autre est en vacances. D'accord. Ah, ouais. D'accord. Ok. Il y a peut-être une chose, tu sais, qui serait bien. Oui, ça y est. Effectivement, j'ai reçu le message. Il y a peut-être une chose qui serait bien, je te parle. En expérience personnelle, de couple qui a depuis maintenant une dizaine d'années un peu voyagé, quoi, si tu veux. Mmh. Et dans ces voyages, eh bien, ça nous a permis de rencontrer, je dis nous parce qu'on les a fait ensemble, et ça nous a permis de rencontrer des gens formidables. Et ça nous a permis de nous installer, tu vois ce que je veux dire. Mais en cherchant ensemble, quand on a quitté la Méditerranée, hein, parce qu'on habitait à Aix-en-Provence, on a quitté la Méditerranée en organisant un premier voyage d'une visite d'une centaine de maisons sur une semaine entre Brest et Bordeaux. On voulait quitter la Méditerranée, on avait fait le tour, et pour s'installer sur l'Atlantique, entre Brest et Bordeaux. On a visité une centaine de maisons. Crois-moi bien que ça nous a, avec un cahier des charges, etc., quoi, un peu exigeant, et ça nous a permis de communiquer, de rencontrer des gens formidables, si tu veux. Et avec ces gens-là, tu arrives à construire quelque chose. Si tu venais passer 5-6 jours avec Sylvie à Auray, en ayant pris des rendez-vous avec les 3 ou 4 agences qu'il y a là pour visiter des biens à louer, eh bien, faire à deux, c'est bien, c'est constructif, si tu veux. Mmh. Et là, ça... Comment dirais-je, toutes ces questions de jalousie ou de ci ou de ça, ça disparaît, quoi, parce qu'il y a un projet, c'est un projet à deux, on construit à deux, et on va si elle veut s'installer, attention, à Auray, ça j'en sais rien. Moi. Oui, mais pour l'instant, en fait, c'est pas le... Elle travaille encore. Mais je sais on ne bien. Sait pas si elle... Et oui, et on ne sait pas, en fait, si en fait, elle va s'arrêter ou pas. La question ne se pose pas encore. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est l'Ouest ou est-ce que c'est rester à Strasbourg ou est-ce que c'est l'Ouest? Donc, c'est une chose qui évolue tranquillement, mais c'est encore trop tôt pour dire on va commencer à fouiner à l'Ouest. Puisque, d'accord, en c'est fait, trop tôt, d'accord. Okay, alors la question n'est pas encore. Il faut qu'elle ait envie. Moi, j'ai envie, c'est sûr, mais il faut qu'elle ait envie. Et puis on a une fille qui est dans l'Ouest, mais il y a l'autre qui est dans l'Est. Donc, elle est où l'autre? Elle est à Colmar. Ah oui. Bon, il faut s'installer à Paris, à mon vieux. Il faut. Bon, mais il y a des choix. C'est des choix de vie, ça. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que elle n'est pas encore tout à fait prête dans sa tête. Elle fait des progrès, elle avance, et vous avancez à deux, et ça, c'est bien. Il ne faut pas brusquer les choses. Mais il ne faut surtout pas que le jardin merveilleux soit un instrument de levier de ta part. Ah oui, tout à fait. Qu'il soit... qui la pénalise, quoi. Faut que ça soit au contraire un outil pour rejoindre le merveilleux à deux. Voilà, mais c'est le côté merveilleux que on n'a pas forcément la même approche, même si on a vécu beaucoup ensemble. Hein, mais tant que en fait tant qu'elle est dans un travail qui n'est pas merveilleux. Le côté merveilleux, et c'est pas évident pour elle. Voilà. Mais ça, c'est sûr. Mais je pense que c'est à toi. Bon, je veux pas faire de. Allez, j'arrête. Parce que, j'ai trop fait d'aide au couple pour avancer. Quoi. Mais c'est quelque chose qui m'a passionné, ça, pendant un temps, d'aider les autres comme ça et à se mettre en marche, quoi, vers leur merveilleux. À eux, quoi. Ah ben nous sommes en marche, ça c'est clair, et on est en marche depuis le début, puisque on est dans le spirituel et le symbolique depuis le début. Alors de toute façon, non, ça c'est bien. Par contre, c'est vrai que tant qu'elle a un fil à la patte, elle n'est pas libre là-dedans. Alors on en discute, mais elle sait qu'elle est toujours tenue. Donc c'est normal. C'est embêtant. C'est vrai que le séjour là de Maria Claire, c'était bien. Le séjour de 9 jours, c'est beaucoup hein, pour elle. Hein. Ah mais c'est sûr, c'est pas pour elle, c'est sans elle. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, mais c'est sans elle. Oui, non mais et puis c'est même pas facile pour toi aussi quoi, parce que quand t'as passé 30 ou 40 ans de ta vie, vous êtes marié depuis combien de temps? Bon, ça va bientôt faire. L'année prochaine, ça sera 40. Voilà, 40 ans. Bon, 40 ans en se quittant très peu, c'est pas facile. Bon, mais faut laisser le temps faire son œuvre. Et puis toi, de ton côté, faut être vachement attentif, quoi. C'est bien ce que tu disais à propos de Christiane. Il y a des sensibilités, là, c'est pas simple. C'est ça. C'est pas simple. Bon, écoute, mon ami, est-ce qu'on a encore d'autres choses à voir? De toute façon, comme on va se voir encore, c'est bien. Alors, je crois qu'on a bien fait le point. Moi, je suis content des choses qui avancent, parce que je m'aperçois qu'il y a quand même des gens qui commencent à s'intéresser, mais que c'est pas évident pour eux. C'est pas évident pour eux, on est quand même un peu hors des clous là-dedans. C'est pas un peu, t'es complètement hors des clous, Philippe. C'est pas un peu, oui. C'est complètement. Alors, c'est pas évident. C'est ça. Et c'est vrai que pour attirer, c'est soit on a affaire à des réactionnaires comme Stéphane qui disent moi je veux être hors des clous et ça me correspond, donc ça va. Soit tu as des personnes qui sont enferré dans, dans des habitudes, et ça, c'est pas évident de... enferré dans les habitudes, mais pas forcément satisfait de ses habitudes, justement. Mais ça, c'est du travail psycho. Enfin, c'est du travail psycho, c'est du travail de long terme. C'est une communication à bien mettre en place, et qui doit être claire, qui doit être claire, qui doit être transparente et dans lesquelles les gens se reconnaissent. Il faut avoir les mots dans lesquels les gens se reconnaissent. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Il y a une chose, en fait, il y a une chose qui est, pour moi, qui est claire, mais qui est, je dirais, inacceptable pour je dirais, la plupart des gens, c'est de ne pas tout savoir dedans. Dans ce projet, c'est je ne maîtrise pas tout, c'est ça justement qui donne le côté merveilleux. C'est-à-dire, on s'attend. Comment il disait ça ? C'était Edgar. Comment il s'appelle ? Edgar Morin. Edgar Morin, qui disait il faut s'attendre à l'inattendu. Voilà. Ouais, et mais si tu veux, là, regarde un peu la dichotomie qui existe entre ce que tu viens de dire et ce putain de Covid. tu vois un peu, les gens, ils sont à la croisée de ces chemins, ils ont du mal à comprendre quel est leur lendemain, et toi, tu les accroches vers un merveilleux qu'ils ne soupçonnent même pas, si tu veux. C'est toute une pédagogie à mettre en place, c'est toute une façon d'être et une façon de se comporter. Et ça m'amène, je fais une petite digression là, parce que j'allais faire le week-end dernier un tour sur le site que tu as abondamment alimenté. Ça devient un peu compliqué de suivre le site. Il y a trop de choses. La communication n'est pas très claire, si tu veux. Et ces empilements de réflexions que tu as, qui sont toutes intéressantes, Philippe, mais toutes plus difficiles à décoder les unes que les autres. Quand tu as une idée, pof, tu la mets. Bon, et l'idée, moi, derrière, quand je passe derrière, je la comprends parce que je te connais. Mais si je ne te connais pas, je ne vais pas, je vais avoir du mal à te suivre. Donc, à un moment donné, il faudra repenser un peu le site. Mais pour ça, il faut avoir les idées très claires. Il faut avoir une communication très transparente. Et quelques idées simples, des messages simples à faire passer pour se servir du site comme une référence. Oui. Bon, c'est du boulot, mais ça peut se faire tranquillement, si tu veux. Mais pour ça, il faut que tu rentres chez toi et puis tu mettes tout ça à plat dans ta tête et que tu ailles à l'épure. La vraie, belle et bonne façon de se comporter, me semble-t-il aujourd'hui, c'est d'aller à l'essentiel. C'est d'aller à l'épure. C'est d'aller là où tu as envie d'aller, quoi. Mais ça veut dire que tu as la maîtrise du chemin, à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure, où il fallait se laisser surprendre par l'inattendu. Mais si tu parles aux autres, eh bien, il faut qu'ils se reconnaissent dans cette voie et qu'ils soient prêts à prendre le wagon et à le mettre sur les rails et le monter dedans. Oui. Tu es d'accord ? Ça, je peux le faire en face à face sur le terrain. Donc, c'est pour ça que il est important qu'on sache quand est-ce que je viens. Parce que justement, c'est en étant à genoux sur le terrain qu'on peut s'émerveiller. Complètement. Je peux montrer qu'on peut s'émerveiller. Complètement, complètement. Mais ça s'explique. Ça, c'est quelques mots qui sont à juxtaposer pour aller vers l'autre et que l'autre monte dans la, et vienne se mettre à genoux avec toi dans la les genoux dans la terre. J'ai croisé une femme qui est passée en bas lorsque j'étais dans le cirque et qui m'a dit qu'elle allait en parler à pas mal autour d'elle parce que elle trouvait l'endroit déjà magnifique et le projet magnifique. Donc, je pense que ça va se faire. Et elle m'a parlé de gens qui pourraient faire des choses. Alors, on parlait de faire venir des artistes sur le terrain, oui. Ouais, elle m'a dit qu'il y a des gens qui seraient intéressés, surtout que maintenant, en matière artistique, ils sont tous arrêtés, quasiment. Et donc, ils ne savent pas quoi faire. De donner un endroit comme celui-là pour pouvoir faire des démonstrations, des choses. Surtout que depuis la rue Neuve, on voit très bien sur la prairie qui est juste en dessous. Tout à fait, tout à fait. Ça va tout à fait dans le sens de ce que te disait Michaela, de ce que je te redis aussi moi de mon côté. Et plus tu vas faire venir des gens qui ont des choses à dire sur le terrain et qui vont être capables de les montrer, hein, eh bien, à partir de là, eh bien, tu vas gagner. Quand je dis tu, le projet va gagner, le merveilleux va s'installer. Mais il faut ramener du monde. Voilà. C'était le but de ce séjour, c'était justement de contacter les gens et puis de valoriser justement le côté médiatique, où là finalement que je vais rencontrer les trois principaux médias. Ça c'est bien. Voilà. Tu as le nom de cette dame avec qui tu causais ? Non, là je n'ai pas eu, j'avais rien pour le noter. T'as pas alors, ton téléphone ? Je lui ai demandé, elle m'a dit, j'ai pris en fait vos coordonnées qui sont là-haut sur le... D'accord. En fait, ils étaient passés là-haut, ils ont vu que la porte était fermée. Sur la porte, j'avais mis le petit mot comme que quoi... Que t'es en bas, j'étais, ouais. Hein, c'était en bas, donc ils sont descendus et c'est bien, ça veut dire qu'ils avaient de la suite. Ça a fonctionné, ça c'est bien. Ça a fonctionné. Mais c'est pour ça, il faut, Philippe, absolument... que tu aies dans ton bleu de travail un crayon et un papier pour noter un nom et un numéro de téléphone. Non, mais c'est que comme ça que tu vas avancer, Philippe. Oui. C'est que comme ça que tu vas avancer. Et les gens intéressés, si tu veux, une fois que tu les as, une fois que tu as capté leur attention, une fois que... Il y a des choses à se dire. Moi, quelqu'un qui me dirait, bah oui, c'est intéressant ça, on peut faire venir des artistes, on peut... Bon, ça, c'est... Et puis, c'est peut-être des gens qui ont de l'entre-gens, qui connaissent beaucoup de monde. Et il faut des gens comme ça, si tu veux. Il faut des locomotives. Il faut des locomotives, des gens avec qui ça percute. Donc, un papier, un crayon. Non, mais je rigole pas. Hein. Je suis vachement sérieux. Voilà. Et ça me rappelle de tellement vieux souvenirs, tout ça. Un papier, un crayon. Ah ! Oui, j'avais le crayon, j'avais pas le papier. Eh ben voilà, maintenant il faut les deux. Bon, ceci étant, elle m'a demandé mon nom et elle m'a donné le sien, donc... Ah, elle t'a donné le sien ? Le prénom. Ah, le prénom, bon. Alors là, tu vas encore faire des jaloux, là, mais bon. C'est ça. Bon, mon ami, voilà, bon, ben, effectivement, ben, ça avance petit à petit, mais je pense qu'il va falloir, comme je te le disais au début d'entretien, passer une surmultipliée, mais où on maîtrise, où tu maîtrises, il faut que tu maîtrises, mais comme tu n'es pas tout à fait prêt dans ta tête à ça, parce que je le vois bien, et je te regarde, et Skype est formidable pour ça. Parce que maintenant, j'arrive à lire derrière tes lunettes, à voir tes yeux. Tu peux, hein. Mais c'est ma volonté n'est pas de tout maîtriser. Oui, il y a des trucs qu'il faudra maîtriser. Oui. Bon, il y a, oui, que tu laisses la place au merveilleux, oui. Que tu laisses, que tu aies envie de pas tout maîtriser, parce que tout n'est pas maîtrisable. Oui. Tu sais, il y a... Et puis après, je vais m'arrêter. Mais... J'ai rencontré quelqu'un... Je suis en train de chercher son nom, il ne me revient pas. Mais quelqu'un qui m'a vraiment bouleversé quand j'étais jeune cadre dans une entreprise textile. Et on était donc dans les années 70. Hein, et qui m'a expliqué ce qu'était le management. Et qui m'a dit, voilà, le management c'est simple. Vous prenez un chef d'orchestre. Vous êtes le chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre, il a devant lui tout un tas de musiciens, avec les cors, les bois, les timbales et autres. Et ensemble, cette équipe-là, sous la baguette du chef d'orchestre, chaque corps d'instrument va jouer sa propre partition. Et sa propre partition, elle va être différente de celle de l'autre. Mais par contre, il y a eu un grand architecte au milieu de tout ça, qui est le musicien qui a mis tout ça en marche. Mais le chef d'orchestre, il joue une partition qu'il n'a pas écrite. Tu vois ce que je veux dire ? Mmh. Eh bien, là, il y a tout quand même un espace où de non-maîtrise. Il y a tout un espace de... comment ça s'appelle ? De laisser... Oui. Là, c'est l'interprétation, en tout cas. Qui... Oui, c'est l'interprétation, oui, mais ce que je veux dire, il y a toute cette... c'est pas le laisser aller, c'est... Le... Ah, j'arrive plus, oh, je sais plus, tout ça... Oui, mais, il faut une certaine liberté, en fait. C'est une liberté, oui, mais cette liberté, tu vas la trouver pleinement que lorsque tu auras laissé choix. C'est pas laisser choix, c'est pas laisser vivre, c'est s'abandonner, quoi. S'abandonner. Moi, je dis avec d'autres mots ce que tu viens de dire. Tu t'abandonnes. Tu t'abandonnes aux autres, tu t'abandonnes à ton projet et tu te laisses porter par tout ça. Mmh. C'est ça que tu veux dire. Oui. Voilà. Sauf que, la partition, elle n'est pas écrite. Ah, ça, t'en sais rien. Est-ce que le grand architecte n'aurait pas écrit cette partition déjà ? Ah, c'est possible, mais je ne l'ai pas dans les mains. Tu crois ne pas l'avoir. Tu crois ne pas l'avoir. Mais je suis persuadé que tu l'as. Je suis persuadé que tu l'as. Et il va falloir que tu ailles à l'intérieur de toi-même. Visita interiorum terra. Visite ton intérieur et tu vas découvrir cette pierre cachée qui est en toi. Vitriol, c'est de l'alchimie. Les alchimistes. Vitriol, c'est plus. Hein? Vitriol, c'est plutôt Stéphane. Non, vitriol, c'est visita interiora terra. Ah, d'accord, c'est terra, encore une. Et tu découvriras la pierre cachée des sages. Voilà, je te le fais en latin et en français. Mais d'accord. Mais c'est ça, si tu veux. C'est en toi. C'est en toi que la chose existe, préexiste à toi. Mais c'est à toi à la faire rejaillir. C'est toi le boss, hein ? Bien. C'est toi le boss. Bon, allez, il est 19h30. On va plier le rideau. Et... Donc, on se voit bientôt. Je prends la clé pour demain. Ouais. Et puis, je passe demain dans... Attends, je regarde si j'ai pas un truc. Parce que en ce moment, je jongle un peu, si tu veux. Mais c'est intéressant. Ouais, c'est pas demain, c'est après-demain. Mais c'est pour ça que... C'est pour ça. Demain, c'est bon. Mercredi, c'est plus bon. C'est pour ça que je te demandais quand tu revenais, parce que moi j'ai besoin de séquencer un peu tout ça et de s'organiser pour être disponible pour toi. Et pour faire grandir le merveilleux. D'accord. Ok. Tu mets un mot Rodrigue. À Rodrigue, hein? Oui. Et puis demain, je mettrai en place notre podcast. J'avance, hein? Des podcasts, j'en fais un ou deux par jour maintenant. Tes photos, ça pèse combien? Donne-moi une clé avec plusieurs gigas. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est celle que tu as fait l'autre jour? C'est celle que j'ai faite. C'est celle que Michaela a faite. Par contre, c'est vrai que quand on prend des vidéos, c'est beaucoup plus lourd. Ah ben, une vidéo, c'est plus lourd. La vidéo que j'ai là, elle fait, 70 mégas ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais elle est sympa, quoi. Tu vois le Stéphane à l'œuvre. D'accord. Bon. Bon, ben alors, à demain. Eh ben, mon ami, je te souhaite une bonne soirée. Oui. Et puis un bon repos pour que tu puisses attaquer la colline demain en pleine forme. Là, je suis assis devant l'ordinateur. Déjà pour se lever, ça va être la croix et la bannière. C'est vrai, t'as mal. Tu souffres. En ce moment, j'ai des courbatures. Je fais quand même des exercices un peu hors du commun sur le terrain en ce moment. Mais fais attention à toi. Fais attention de ne pas tomber, de ne pas te faire mal. Parce que si tu te fais mal, ben je te dis pas le dis. Bon, okay. Allez, salut à toi. Au revoir. À demain.